Bonsoir, vous écoutez KFAI sur radio communautaire sur 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Et le programme que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Nous sommes avec vous de 8h à 22h. On va écouter de la musique et on va s'en mettre plein les oreilles. Good evening, you're listening to KFAI, Fresh Air Community. 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 in St. Paul, Radio Without Boundary. The program you're listening is Bonjour Minnesota, and tonight we're going to hear a lot of music. French music, instrumental, but mostly with lyrics in French. Tonight it's just Frédéric for you, and we have Antelme with us too. Next week, I think Dana will be there. And soon we'll have more guests to introduce and to interview. We're going to start the music right away with three tracks, trois morceaux d'un groupe qui s'appelle Autour de Lucie. Le premier morceau, ça s'appelle Immobile. Le deuxième s'appelle Sur tes pas. Et le troisième va s'appeler Je vous ai tué ce matin. So we'll listen to three tracks from Autour de Lucie, which means pretty much around Lucy. Immobile means immobile. Sur tes pas means, you know, I'm following you. And je vous ai tué ce matin is I killed you this morning. And it's not really literal. It's a figure of speech. So nobody died, really. I hope you will enjoy the time with us. And don't forget, if you can't really catch us on one of these frequencies, KFAI.org. You can either stream it right now, or you can go in the archive tomorrow and listen to the 2 weeks, to the two previous weeks. Et voilà, on y va. Thank you. Et voilà, on est revenu. Alors, comme je disais, on a entendu Autour de Lucie. On a d'abord entendu Immobile, or like Don't Move. And it's about a relationship, like the beginning of a relationship that starts pretty nice, where really they want to appreciate every second that they are spending together. So they want to be immobile, like just laying next to each other. Sûreté pas is like more like the end of the relationship because they broke up and he's not turning back. He's not, you know, even though she's trying to follow, he's not returning and changing his mind. Et je vous ai tué ce matin is like kind of like I got over you. So it's tonight is a special show. One of the things that Olaf suggested before he left for his European trip is that we should do something like a découverte, an evening découverte, and all the CDs you're gonna listen to tonight are mostly CDs that I get from stores in the Twin Cities and like just randomly found some. Yeah, you can find some French CDs in the Twin Cities. And like some used ones, so I didn't pay very much for them, but I was pretty happy to run into them, especially Autour de Lucie. The band was pretty famous in the 90s, mid-90s, late 90s. They also had like a skit on Lily Fair, so that was pretty nice. Now the three following songs we're going to hear are from Patrick Bruel, and same thing, I ran into it in a used bookstore who was selling CDs. And even though I like the actor better than I like the singer, and it's not that he's bad. I mean, c'est un bon chanteur, but it's just like, at the time when he came out with his CD, and especially these three songs, he was overly popular and he was like crazy with teenagers screaming and things like that. So I was a little bit too old for that. And plus, not that interested, but... So the three songs we're going to hear is Cassie Lavoie, which means like break your voice, or but literally break your voice, but it's not like, it's more like scream your heads out. Alors regarde is narci, you know, and it's about kind of like what's going on, like see what's happening. And Place des Grands Hommes is a nice song about how they kind of separated after, it might be school or another stage in their life, and they're seeing each other back again, a little bit kind of like a high school reunion, which is not that common in France. We don't really do that stuff on a regular basis. So I will let you listen to those. I'm going to play an announcement first, and then we're going to have Patrick Bruel. Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information available at iphouse.com. Thank you.

jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as trois gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. Toi Marco qui ambitionnais simplement être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et ben c'est formidable les copains, on s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table, comme on étale ses lettres au Scrabble. Dans la vitrine je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai si c'est à droite. Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi. Et voilà, je suis revenu. Donc, on a entendu Patrick Bruel avec ses 3 chansons, Casser la voix, À leur regard et Place des grands hommes. Sinon, à part ça, je voulais aussi parler de... Il y a 2 petites choses dont je voulais parler à l'antenne. La première, c'est que hier, pendant le Labor Day, il y avait le pique-nique de Minnesota Accueil et c'était très très sympa. Donc je remercie tous les gens de Minnesota Accueil et les autres qui ont organisé et, tout ça. C'était à Eden Prairie cette année et c'était super bien. Donc on va essayer de les avoir à la radio un de ces jours pour qu'ils nous expliquent un petit peu ce qu'ils font et ce genre de choses. So, yesterday there was a picnic in Eden Prairie of Minnesota Accueil to kind of welcome all the newcomers in the Twin Cities from any Francophile country. So they have a website and they have a Facebook page. They are now connected to our Facebook page. That's how I connected their event. We'll hopefully have them one of these days at the station to have them talk a little bit more about what they're doing and their goals and the idea. The other thing I wanted to talk about is last week, I wanted to talk about soccer or football. Last week, France on Thursday had a tremendous victory against Netherlands. Netherlands has to remember that they were in final against Spain not that long ago in the World Cup. And they got really hammered, like 4-0. So the French team has done a tremendous job. Luxembourg, I didn't see the game, but he ended up with a tie. I know a lot of opportunity for the French team. They did great, but not enough. And they got out with a tie, so that's not as great. I believe Sweden is still ahead of the group, but the World Cup is still a year away. There's still more games, so we're still in the green so far. We need to win more and more and more. And that's about it on the soccer side. Oh, no. Paris bought Neymar and Mbappe. So now we have two of the best forward players in the world. So it should be good. That's for my friend from Marseille. And now we're gonna listen to more music. We're going to listen to Christophe Maé. He has a very, like, deep voice and not very high, but like really like smooth. And the first song is called Dang Dang Dang. The second is J'ai laissé. And the third one is dedicated to Dana's daughter, and it's called Manon. So we're going to listen to that, and we'll be right back after that. Je sais qu'on ne vient pas en arrière et que tu ne reviendras pas non plus. Mais si tu changes d'avis quand même, je te jure que tu ne serais pas déçu. Je ferai des efforts vestimentaires, je rentrerai à l'heure prévue. On passerait les dimanches à la mer comme on faisait au tout début. Alors laisse-moi faire et laisse-moi faire. Oui, laisse-moi faire, je saurai faire. Mes potes, la chance que j'ai, ce que t'aimes pas, je les verrai plus. Tu verras cette fois-ci, je changerai, même si tu m'as jamais vraiment cru. J'ai trop le cœur en bandoulière et le corps aux objets perdus. Je préfère encore tout foutre en l'air que d'être sûr que c'est foutu. Alors laisse-moi faire, laisse-moi faire, et laisse-moi faire. Oh non. Jamais trop tard. Oh. Ding, ding, ding, ding. Ça m'en fout, dis-moi où je vais. Avec toi, ding, ding, ding. Car je suis rêve, ding, ding, de toi. Ding, ding, ding, ding. Ça m'en fout d'avoir tout gâché. Avec toi, ding, ding, ding. Car je suis rêve, ding, de toi. Des heures, et j'imagine ce que tu dis. tu fais ce que tu penses. Et je devine ce que tu vis à ses côtés en mon absence. J'ai laissé les fleurs du jardin s'faner. J'ai laissé ton odeur sur l'oreiller. J'ai laissé les volets fermés tout l'été pour ne plus voir le jour se lever. J'avoue, c'est pas le bonheur. Moi je rêvais d'amour. Aujourd'hui j'en ai plus le cœur. Je goûte et j'effleure. Non, je t'aime pour toujours. Qui lentement se meurt. Et j'imagine ce qu'il te dit, ce qu'il te fait, ce qu'il en pense. Et je devine ce que tu vis à ses côtés en mon absence. J'ai laissé les fleurs du jardin se faner. J'ai laissé ton odeur sur l'oreiller. J'ai laissé les volets fermés tout l'été pour ne plus voir le jour se lever. Et la nuit j'entends ta voix et ton corps je le vois. Mais la nuit j'entends dans ta voix que tu ne reviendras pas. Oh, j'ai laissé les fleurs du jardin se faner. J'ai laissé ton odeur sur l'oreiller. J'ai laissé les volets fermés tout l'été pour ne plus voir le jour se lever. Je laisse You need us and we need you. Take the first step in becoming a KFAI volunteer by registering at kfai.org/volunteer. Sign up for a new volunteer orientation hosted on the first Thursday of every month at 6:30 p.m. and find your on or off air role today. Web exclusive shows Shadow Planet and Roar of the Underground are making the jump to KFAI's weekly FM schedule starting in August. Tune in Saturday mornings from 2 to 4 a.m. to hear the dichotomy of beauty and destruction that is Shadow Planet. And keep listening from 4 to 6 a.m. for the best local metal the Twin Cities has to offer, courtesy of Roar of the Underground. Two hard-hitting metal shows back-to-back as part of the revamped KFAI, Radio Without Boundaries. Mano! Mano! Mano, j'ai passé des jours et des nuits à t'attendre. J'en ai perdu la raison. Mano, je donnerai ma vie pour un jour t'entendre murmurer mon prénom. Oh, Mano, sans toi y'a personne. Et dans ma maison, le silence résonne. Sache que si je pleure, c'est pas moi, c'est mes yeux. On me l'avait pourtant dit, c'est douloureux. Et si je t'aime, c'est comme de jouer avec le feu. Oui, je sais, c'est dangereux. Manon, avant toi, y avait rien qu'un morceau de terre. le pape et la maison. Manon, depuis ton corps nu, plongé dans l'eau claire, je me noie dans ton prénom. Oh Manon, sans toi y'a personne, et dans ma maison, le silence m'assomme. Sache que si je pleure, c'est pas moi, c'est mes yeux. On me l'avait pourtant dit, c'est douloureux. Non. Et si je t'aime, c'est comme de jouer avec le feu. Oui, je sais, c'est dangereux. Et j'ai mal à en mourir de te voir auprès de lui. J'ai mal à en mourir. Cette histoire est finie. Sache que si je pleure, c'est pas moi, c'est mes yeux. On me l'avait pourtant dit, c'est douloureux. Oh non. Et si je t'aime, c'est comme de jouer avec le feu. Oui, je sais, c'est dangereux. Oui, je sais, c'est dangereux. Je t'aime l'amour, je pleure l'amour. Pour toi Manon, j'ai le mal d'amour. Je t'aime l'amour, je pleure l'amour. Pour toi Manon, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La nuit. C'était chez vous, surtout chez moi. Vous étiez roi, j'étais le fou. On riait tout, il pleuvait droit. On va où là, ça redevient flou. On a vieilli dans mon croisement. C'est d'autres gens qu'en sont sortis. C'est réussi, on est plus grand. Mais maintenant, il y a moins d'ici. Je les ai vus, toutes vos rencontres. Contre la montre, vous m'avez plu. Je n'ai rien su de toutes vos hontes. Vous étiez nus, j'étais tout contre. Messieurs, dames, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, il pleut pas dehors. La mauvaise, je ferme. L'amende de toutes nos foires, mais c'est de l'histoire, de la légende, du vrai beau bar. Viens que je t'y attende, fouille-moi ces cendres, il reste l'espoir. Moi en affaire, je sais que dalle, mais fallait le faire. Rincez vos dalles, mon capital, ça fait la paix. Mais de mes frères, aucun cavale. Demain, fini le bistrot, c'est pas trop tôt, car je reviens avec rien, mais la même peau. Regarde si je suis beau quand je vois au loin. Messieurs, dames, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, il pleut pas dehors. La mauvaise, je ferme. Je veux savoir, je veux connaître la suite. La fin de l'histoire ne m'intéresse pas, me panique. Pourquoi ce qui paraît ordinaire a des allures d'équilibre précaire, au sempiternel. Que choisir, que faire? Le silence qui s'ensuit me désespère. Où c'est le du ridicule. pas savoir, je veux pas connaître la suite. Donc soit je m'arrête, soit je m'implique. On voudrait bien qu'il arrive quelque chose. Se résoudre à des fins même à l'apothéose. Casser la routine pour que la roue tourne. Pas rater le tir et repartir pour un. Casser la routine pour que la roue tourne. Pas rater le tir et repartir pour un tour. Peur de l'échec ou celle du ridicule. Parfois on recule de peur que les choses basculent. On recule. On recule. Parfois on recule. Parfois on recule. Mais parfois on recule. La peur de l'échec ou celle du ridicule. Parfois les choses se basculent. On recule. On recule. Parfois on recule. Parfois on recule. Parfois on recule. Et voilà, on est revenu. Donc, on a entendu pas mal de chansons à la suite. On a parlé de Christophe Maé. Ding, ding, ding means crazy, crazy, crazy. After that, j'ai laissé means like I dropped everything. And one of the chorus of this song is like j'ai laissé les fleurs se faner. And he let like the flowers kind of died. And I think it's kind of like an analogy to a relationship that you don't really water enough. Don't, you know. Don't do enough with. And the last one from Christophe Maé was Manon, which is a very famous name in France. It's been inspiring some authors. And Antelme a choisi trois chansons donc, qu'on a passées. La première, c'était Institut, et ça s'appelait Les Méduses. So, for in English, les méduses are the jellyfish. And after that, il y avait Loïc Lantoine avec Je ferme, or I'll close, I'll lock, depends how you hear it. And and the last song was Buridan, jolie voix d'ailleurs, et la chanson s'appelait Parfois on recule. Made me think a little bit of Olivia Rees, a little bit, the voice, sa voix, elle m'a rappelé un peu Olivia Rees, et... un peu cœur de pirate aussi, enfin un peu entre les deux, très, très unique, mais assez sympa. Donc là, il est 9h, donc je vais faire les annonces. You're listening to to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 in Saint Paul, Radio Without Boundaries. And the show you're listening is Bonjour Minnesota. Vous écoutez... KFAI, radio communautaire, à 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 à Saint-Paul. Radio Sans Frontières, est-ce que vous écoutez l'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez aussi nous attraper sur kfai.org, kfai.org, stream it, and the archive stayed on for 2 weeks. So you can go to our page on kfai.org, find Bonjour Minnesota in the programs, and... go and listen to the previous weeks. It's the 2 full-hour shows, so that can fill your afternoon or your morning or whatever you want. We also have an app, both for iOS and Android, for KFAI, and you can catch the various programs like that. KFAI is a nonprofit, and so is Bonjour Minnesota, and I wanted to remind our listeners, and soon, in about probably 2 weeks, we're going to start doing the pledge drive and start asking you for money. Not that we can use money at any time of the year. It's just like twice a year we ask for it a little bit differently. So we'll have prices, and I think it'll be a good time. We'll have also more guests during the month. We are expecting the French American Heritage Foundation to come and talk to us about their various events. Monsieur le Consul Général du Canada à Minneapolis should come in October, and we have rescheduled Caroline Porter, who wrote the book Marcel's Letter, to November, because we wanted the whole team to be there, and I'm going to be in Paris in October, and Olaf is not going to be back from his trip. So this way, in November, everybody will be there, and it will start to be cold a little bit. Now to come, we're going to listen to Camille, another discovery that I heard, that I found in a used store. So the first song for Camille will be 1, 2, 3, 1, 2, 3. Second will be Paris or Paris. And actually, it's a little bit different than what we usually hear, because she's done with it. She's done with Paris. She had enough versus all the romantic songs that we can hear about. And Je ne suis pas ta chose, I'm not your thing, is the last song we're going to hear from Camille. And after that, we'll talk a little bit more about the events and the events coming up in the Twin Cities. Allez, on y va. Y'en a un, deux, trop. C'est pas toi, c'est l'autre. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et maintenant je veux t'échanger. Un, deux, trois. C'était mieux à deux, les yeux dans les yeux. Mais pas deux sans trois, je veux vivre sans toi, ou bien tout se trouve. Je croise son double au détour des rues. Quand je suis dans tes bras, je ne vois plus que lui. 3, 4. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et maintenant je veux t'échanger. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et je veux t'échanger. Je veux t'échanger. We'll be right back.

Et voilà, je suis revenu. Donc, on a entendu Camille avec trois chansons. C'était assez sympa. Donc, maintenant, on va parler un petit peu des événements qui se passent dans les Twin Cities. Et après, on écoutera Renaud. Renaud, il y aura trois chansons. Arrêtez la clope, Rouge sang et Malone. Mais on va parler un petit peu là de... va y avoir à l'Alliance française, va y avoir Open House, donc ça arrive bientôt. Et puis, donc en fait, c'est samedi le 9 septembre de midi à 3 heures. Bon, là, je vais mettre une chanson rapidement et puis ensuite on en parlera un peu plus. D'arrêter cette putain de cam en vente libre, il faut une sacrée volonté, une détermination terrible. Chaque fois que j'arrête, c'est pas sérieux. Les 12 fumeurs que je vais taxer, mof 12 cibiches et même du feu, ont vraiment aucune volonté. 60 cigarettes dans la tronche, chaque jour et ce depuis 40 ans, à côté de la couleur de mes bronches. Un béret basque paraîtrait blanc, et je vous dis pas la thune non plus. J'ai laissé à ces enfoirés, ces dealers au coin de la rue, avec leurs carottes pour me faire marcher. Arrêtez la clope avant qu'elle n'arrête ma vie. Trop belle avec toi et mes potes, ah, trop jolie. Des mômes de 12-13 ans qui fument déjà comme des pompiers, je les imagine dans 25 ans à galérer pour arrêter. Je trouve héroïque et admirable ceux qui ont jamais eu besoin de cette merde, qui ont jeté cette fumée du diable, qui chlingue comme une vieille gerbe. Et ta criminelle trafiquant qui s'enrichit sur mon cancer et qui me supplie dans le même temps de filer ma pièce à Schwarzenberg. Super trust américain qui rend la planète toxico, puis qui t'explique que c'est pas bien, qu'faut pas fumer dans les bistrots. Arrêtez la clope avant qu'elle n'arrête ma vie. Trop belle avec toi et mes potes, ah, trop jolie. Pas mourir, et surtout pas d'un truc si con, pas te laisser seul, et puis me dire qu'après 30 ans d'un deuil profond, tu pourrais regarder un autre mec, peut-être même un fumeur de cigares, et pourquoi pas te maquiller avec, l'éternité deviendrait cauchemar, à chacun sa motivation, moi c'est juste par jalousie, que je veux me libérer de ce poison, qui est un putain de plaisir aussi, je veux bien me retrouver sur l'autre rive, du moment que tu meurs avec moi, j'ai une idée pour que ça arrive, tu veux pas te remettre trop de tabac. Arrêtez la clope avant qu'elle me prive de toi. Je pourrais presque me passer de mes potes, mais pas de toi. Je pourrais presque me passer de mes clopes, mais pas de toi. Mais pas de toi. La chanson qu'on a entendue, c'est Renaud avec Arrêtez la clope. Renaud is a singer from Paris and he's pretty. His accent from Paris is pretty strong, like very titi parisien. And Arrêtez la clope means like a club is like a slang word for cigarette. So it's like you want to quit the cigarette. So I was talking about the open house at the Alliance Française. So it's September 9th from 12 to 3 p.m. Highlighting its French language classes for all ages and four seasons of cultural events. The open house is also a chance to register for folk classes and learn about the membership to the Alliance Française, as well as a tour of the historic building in the North Loop. They'll be unveiling their new French Corner bookstore, a curated selection of books in French available for purchase. Discover a taste, the secret of the French cuisine, with cooking demonstration throughout the day by Valérie, which do also cooking classes. An exhibition of French-inspired painting by local artist Dan Raphael will be on display. And the attendees will have a chance to win a pair of tickets to one of three performances of the internationally acclaimed dancer Alarmé Valli's upcoming performance at the Cowell Center, electro-swing DJ-composer phenomenon Parov Stella at the Myth, or the Senegalese hip-hop group Bidou Boubès at the Cedar Cultural Center. And there's going to be a refreshment. The admission is free and open to public. So that's going to be Saturday, this coming Saturday the 9th. So don't miss it, 12 to 3. They also have another event coming up on the 13th. I believe it's a Wednesday. Let me double check so I don't mislead you. Yeah, it's a Wednesday. 6 to 8 p.m. at the Alliance Française itself. Conversation with Dr. Lily Gardner-Feldman. An intellectual, political, and personal journey. The Alliance Française and the American Council on Germany, ACG, have the immense pleasure to present a cursory conversation with Dr. Lily Gardner-Feldman from Franco-German Reconciliation to the Integration of Recent Immigrants in the US and Germany, an intellectual, political, and personal journey. There's a fee for the admission. The doors open at 6 p.m. and the talks start at 6:30. So please RSVP either online at afmsp.org you can call the office during business hours, 612-332-0436, the office of the Alliance Française. Everything is on their website, so you can follow the link and that'll be cool. Another event is Navigateur de la Littérature, and it's called Au Pays. Le club est ouvert à tous. Practice your reading skill and comprehension, blah, blah, blah, blah, blah, blah. So this month's selection is Au Pays de Taha Benjelloun. And you can purchase the book before coming. New reader, all readers. It's from 6 p.m. to 8 p.m. on the 13th. What else? On the 14th. That's going to be the last one, and after that, we're going to put some more music. There's the monthly apéritif en français at the University Club. It's in Saint Paul. It's the second Thursday of every month from 6 to 7:30 at the University Club, and I just like casual. You come and order a drink and chit chat. That's pretty nice. All right, so we're going to listen to Mon Renault. When I went to middle school, I was really close to where I was living. Unfortunately, I never really crossed his path, but maybe someday. He was in Le Marais. Good neighborhood, though. Close to the Pablo Museum Picasso in Paris, for those who are familiar. So the upcoming song is called Rouge Sang, or like Red Like Blood, and the other one will be Malone. On y va. Ce sang qui coule sur le sable de l'arène et fait vibrer la foule, barbare, inhumaine. Ce sang rouge qui jaillit comme l'eau des fontaines du taureau accroupi sous l'acier madrilène. Et puis le sang versé hier à Tiananmen qui a éclaboussé vos mémoires et la mienne. Comme une étrange ressemblance, même douleur, même peine. Comme une étrange ressemblance, même couleur d'où qu'ils viennent. Entre ce sang qui coule sur le flanc des baleines, harponné dans la houle, décimés par centaines. Celui des loups, des ours, restait peu lointaine, abattus dans leur course pour une vie sans chaîne. Et le sang qui rougit, la peau de porcelaine de ces enfants d'Asie, birmanes, tibétaines. Comme une étrange ressemblance, même douleur, même peine. Comme une étrange ressemblance, même couleur d'où qu'ils viennent. À ce troupeau de hyènes qui voit les différences entre toutes ces haines, ces torrents de souffrance, animales ou humaines. La mort est un théâtre, dans tous les cas obscène, le rouge, l'écarlate coule des mêmes veines. Comme une étrange ressemblance, même douleur, même peine. Une étrange ressemblance, même couleur d'où qu'ils viennent. Comme une étrange ressemblance, même douleur, même peine. Qui souffle sur Shannon, le vert du printemps, sur l'île d'Avalon. Quand viendras-tu, Malone? Aimeras-tu ce monde, cette triste Babylone, cette planète moribonde? J'ai le cœur assez grand pour encore de l'amour, et pour toi, mon enfant, lumière de mes jours, en voudras-tu longtemps, en auras-tu aussi, pour ces fous inconscients qui t'offrent cette vie. Celle-ci sera pleine de plaisirs, mais encore de chagrins et de peines qui te rendront plus fort. La vie est un long fleuve, tranquille ou bien funeste, les hommes font ce qu'ils peuvent, le destin fait le reste. Quand viendras-tu, Malone? Aimeras-tu ce monde d'avance? Tu nous pardonnes si tu le trouves trop immonde. Tellement de misère, de souffrance et de haine, tellement de galères pour le moindre je t'aime, mais tellement aussi de tout petit bonheur, d'innocence épanouie comme un bouquet de fleurs. T'apprendrons, mon ange, à lutter chaque jour pour que ce monde change, pour un peu plus d'amour. T'apprendrai à écrire, pour chanter tes colères, pour voir ton sourire illuminer la terre. Quand viendras-tu, Malone? Aimeras-tu ce monde, ton île d'Avalon, le soleil et puis l'ombre, ton île d'Avalon? Et le soleil, et puis l'ombre. Et voilà, je suis revenu. Ça a été une soirée un petit peu occupée, là. Pas mal de coups de fil, des gens qui veulent rentrer, tout ça. All right. So, on a entendu Renaud avec Rouge Sang et Malone. Je voulais parler un petit peu plus aussi des événements de l'Alliance. Donc là, il y a encore... on a parlé de ceux qui sont à venir. Il y en a un peu plus loin. Un des événements, one of the events I wanted to talk about is coming up on the 15th. So Friday, September 15th. And this is not the Alliance Française in this case. This is the Heritage, the French-American Heritage Foundation. They are offering a story. So let me, French-American Heritage Storytelling relating to remembering Henri Bernard, the original Minnesota Nice, French-Canadian language. In the beginning, there was a chapel and Dr. Seigneuret. So it's going to be a storytelling. It is going to be in Fridley, Friday, September 15th, from 6 p.m. to 9 p.m. I do believe there's a fee, but you can check online. Either you can check on their website, but my recommendation would be to go to... Bonjour Minnesota Facebook page. Their event is listed there, and you can get tickets from there and get the hours and get everything you really need. So that would be the easiest to do. Also, talking about more about the Alliance, so there's a subgroup called Les Jeunes, and it's for like teenagers. And so on the 16th, which is going to be a Saturday, the teen club Les Jeunes present French cooking class. Come and cook with Valérie, discover traditional French pastry and learn how to cook it. Pastries in this activity include éclair, gougère, and more. Join them from 4:30 to 6:30 on September 16th. You need to RSVP to reserve your spot. So you can either email Alexie B, so it's A-L-E-X-I-E-B, at afmsp.org, or you can call the office. So my recommendation is go to afmsp.org and check the event. It's there, and you can RSVP from there. As any Jeune event, it's free. So... that sounds like fun. I'm going to try to sign up my son, my oldest son, because if he makes anything good, I will be on him to eat it, because I love anything sweet. All right. I'm going to play some announcements and a bit more music, and then we'll talk about more about some of the Alliance Française events. There's another couple events, not on the Alliance. There's one from the Alliance and one from the Ramsey County Library. So let's play the announcements for now. Thanks for supporting KFAI in the most important way, by listening. How about taking the next step? Visit kfai.org/donate and become a sustaining member. Or increase your monthly giving by $5, $10, or $20 each month. If you have a favorite program, you can even show your support by making a one-time special donation. Your tax-deductible contributions will keep us on the air. Thank you for listening and supporting KFAI Community Radio. Gracias por escuchar y apoyar a la comunidad de radio KFAI. All right, so a couple of more events. A conversation with French author Camille Laurence. Alliance Française a l'immense plaisir d'accueillir Camille Laurence, écrivaine française, pour une réception dans la grande salle. Camille Laurence will read select passages, speak about her book, Who You Think I Am, and her trajectory, followed by a Q&A session with the audience. The presentation will be in French. There's a fee, and a discounted fee for the Alliance Française members. So feel free to call the office during business hours, 612-332-0436, or go to afmsp.org. We also have been made aware through the French American Heritage Foundation that Ramsey County is going to offer, it's more a lecture than a class, but... at the Shoreview Library, which is located 4560 North Victoria Street, Booyah and Beyond, French-Canadian influences in Ramsey County. So that should be very, very interesting. Thursday, September 21st at 5:30 at the Shoreview Library. And if you have any question, feel free to either call us or contact us. I can put you in touch with the J.D. Woodward, the historic coordinator. She's in charge of that at Ramsey County. So I really like Ramsey County Library. That's a pretty big, big library system. So now we're going to listen to more music, because that's what we're here for, more French music. I found this CD randomly and not in a... and it's called Punk 45, and it's the French punk from 1977 to 1980. So I'm not going to play the whole CD, but there are several songs we're going to play. One is called Rien à dire from Marie et les Garçons. The next one is going to be Sally avec Gasoline. Ensuite, il y aura Photo Couleur. Assez dans les WC, à trois dans les WC, c'est le nom de la bande, du groupe, which means like three people in the toilets or in the restrooms, et Paris Maquis avec le groupe Metal Urbain. Donc on y va, et un petit peu de punk, c'est pas trop dur. Thank you. cet enfant, elle fut toujours, toujours, toujours bien traitée. Sa mère l'a gâtée trop, elle ne l'a plus jamais, jamais bien élevée. Ascend to the Temposphere with Luke Andrews, Saturdays, 7 to 9 p.m. on KFAI.

fasciste. Et voilà, donc c'était la partie punk de la soirée avec différents punk français. Dans cet album, il y avait aussi des chansons en anglais, mais j'ai décidé de ne pas les passer. Puis de toute façon, je ne peux pas passer tout l'album. Mais là, c'était Paris Maquis avec Metal Urbain. Avant ça, c'était Photocouleur avec A3 dans les WC. Sally avec le groupe Gasoline et Rien à dire avec Marie et les garçons. Il y a plusieurs chansons à venir, je ne sais pas. Il nous reste environ 10 minutes, donc je ne sais pas combien on va pouvoir passer, mais les deux prochaines chansons à venir sont de Sergent Garcia. Je me rappelle, il faisait du rap en espagnol sur Radio Nova dans les années 90. Donc la chanson de Sergent Garcia sera Chacun son combat. Et après ça, une chanson qui s'appelle Même si. Donc Chacun son combat is its own battle. And Même si is like even if. If we have time, we'll listen to Jan Tiersen avec La Rupture et La Noyée et peut-être Bagatelle, mais ça m'étonnerait qu'on ait le temps. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI, and feel free to follow us on kfai.org. If you have any suggestions, whether it's guests, topics, or even music that you'd like to hear, that could be an era, that could be, you know, like some specific artists or specific songs, we have bonjourminnesota@gmail.com. And if you like our Facebook page, Bonjour Minnesota, you can also send us messages. So feel free to reach out and we'll be more than happy to accommodate if we can. Donc là maintenant, on va écouter Sergent Garcia et c'est parti, mon kiki. J'ai traîné ma dalle sur le sol rouge de l'Afrique, rêveur illégal, anachronique, un triptyque animal et des balles qui s'invitent au dernier bal du Babylon Trafic. Pourtant j'ai grandi sur les dalles d'un périphérique, j'ai chassé dans les halles des nazis nostalgiques, j'étais un Cheyenne socialement dyslexique, à la police mentale, je suis toujours allergique. Aujourd'hui c'est chacun son combat, chacun sa famille, chacun sa mafia. Mamie fa moi c'est Paris, Kingston, Kinshasa. Mamie fa moi c'est Tijuana, Santiago, Bogota. Aujourd'hui c'est chacun son combat, chacun sa famille, chacun sa mafia. Mamie fa moi c'est Paris, Kingston, Kinshasa. Mamie fa moi c'est le sourire d'un petit frère d'où qu'il soit. J'ai traîné mes ronjos, balancé mes salvanes dans les bars de Manille, dans les barrios de La Havane. Je pense à tous mes bateaux quand j'ai le vague à l'âme, mes pinches maeros, victimes du macadam. Pourtant j'ai fait gueuler la tôle, j'ai crié à du ciment, j'ai bien joué mon rôle sans jamais être un truand. J'ai trimé, j'ai dealé ma colère et mon sang à des multinationales qui confondent l'art et l'argent. Aujourd'hui c'est chacun son combat, chacun sa famille, chacun sa mafia. Mamie fa moi c'est Paris, Kingston, Kinshasa. Mamie fa moi c'est Tijuana, Santiago, Bogota. Aujourd'hui c'est chacun son combat, chacun sa famille, chacun sa mafia. Mamie fa moi c'est Paris, Kingston, Kinshasa. Mamie fa moi c'est le sourire d'un petit frère d'où qu'il soit. J'ai touché le ciel, j'ai laissé couler le sable. Le temps passe, il y a toujours les mêmes amis à ma table. Il y a eu souvent des points face à mes caresses, mais je pardonne tous les faux frères, los traidores. Moi j'ai toujours combattu pour la même tribu, les sans-voix d'où qu'ils soient, tous les frères de la rue. Punk rock, sacré to dreads, ça fait des années que je plaide. Et pour que je m'arrête, man, il faudra que t'attendes de me voir dead. Aujourd'hui c'est chacun son combat, chacun sa famille, chacun sa mafia. Mamie, pas moi, c'est Paris, Kingston, Kinshasa. Mamie, pas moi, c'est Tijuana, Santiago, Bogota. Aujourd'hui c'est chacun son combat, chacun sa famille, chacun sa mafia. Mamie, pas moi, c'est Paris, Kingston, Kinshasa. Mamie, pas moi, c'est le sourire d'un petit frère d'où qu'il soit. Même si les hommes sont fous et ne tiennent pas leurs promesses, je sais que tu oublies tout sous l'effet de mes caresses. La tormenta nos deje a la deriva, o la trasola que nos viene encima. Aunque la marea nos intente alejar, ni la lluvia ni el viento nos van a separar. Pour toi, señorita, je ferai n'importe quoi. Tu sais, mamacita, que tu peux compter sur moi. Dis-moi encore une fois que je suis ton roi. Je livrerai mille batailles, je mourrai pour toi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi. Mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi. Mais je m'en fais pas car tu es là près de moi. Même si les vipères sont cachées sur les sentiers, j'évite les pierres du chemin, j'évite tous les dangers. Je sais que tôt ou tard les derniers seront les premiers, et que les coups reçus un jour seront vengés. Aunque las fronteras bloqueen el camino, yo sigo este rumbo esquivando al enemigo. Nena, si el desierto tuviera que atravesar, huracanes ni serpientes nos van a separar. Vota, señorita, je ferai n'importe quoi. Tu sais, mamacita, que tu peux compter sur moi. Dis-moi encore une fois que je suis ton roi. Je livrerai mille batailles, je mourrai pour toi. Je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi. Mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi. Mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi.